Hello, this is a show from Radia. We are a group of stations bringing new and forgotten way of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio across Europe and beyond. Le léman, mystérieux ou merveilleux? On se demande, on s'interroge, on ne sait pas, et ne pas savoir nous conforte. Car cela nous permet de s'interroger, de chercher, de réfléchir, de divaguer, d'halluciner, de bouillonner. Et c'est justement chargé de ces intentions que l'Institut international de recherche sur la radio et la magie organisa au cours de l'été 2025, 4 jours autour, sur et dans le léman. Une ribambelle, ou était-ce plutôt une ripopée, d'artistes sonores, visuels, performatifs, eurent l'occasion d'y croiser, pêle-mêle, un scaphandrier également capitaine de bateau, un cryptozoologue, un conteur improvisateur, une conservatrice ethnologue spécialiste des contes, une DJ, un anthropologue éco-poétique spéculatif, un pêcheur ou une jeune écolière, lors d'explorations dans des contextes aussi différents qu'un bateau-atelier au pied du jet de Genève, le musée du Léman à Nyon, 2 navigations en bateau de Genève à Nyon, une cabane de pêcheur, une exploration sous-marine amplifiée. C'est dans ces conditions que ces profils hétéroclites nous ont évoqué tour à tour la soif du géant Gargantua, les macro-invertébrés défenseureuses de ZAD, les missions périlleuses en haute mer jusqu'au pôle terrestre, un bestiaire énigmatique et cryptique, la propension à chacun de trouver son inspiration créatrice dans la spontanéité, les nombreuses fonctions de l'imaginaire et leurs applications dans le cadre des contes. La pêche à la perche, un monstre aux yeux de feu. Alors plongeons, au propre comme au figuré, dans ce lac d'Europe de l'Ouest, mystérieux, merveilleux, laissons-nous guider par l'écoute, au risque de s'y perdre, de ne plus avoir pied pour de nouveau flotter, d'halluciner, de ne plus savoir, tout en sachant qu'on ne sait pas. Merveilleux au sens de époustouflant, de découverte, d'ouverture, de perception autre de qu'est-ce qui nous entoure. Sinon, on est vraiment dans l'obscurité qu'on crée nous-mêmes. Tu dois reconstituer le monde autour de toi que t'as peut-être eu clair pendant quelques secondes, puis qu'après, tu n'as plus, t'as plus la vision. Passer du monde du connu au monde de l'inconnu. Donc c'est se poser la question du « et si ». Qu'un poisson n'est pas seulement un poisson. Bah, faut inventer le monde, faut le reconstituer. Mystérieux. L'invisible crée du mystère et de l'attraction. Une intention profonde pour communiquer avec le mystère, parce qu'on ne sait pas. On a tous besoin de donner un sens à ce qu'on voit. Mais quand même rester dans ça, quelque chose qui est un secret, un mystère. Il y a des doutes, il faut accepter des doutes. On ne sait pas comment ça se fait la vie, on ne sait pas pourquoi on est là, on sait. Mais on sait qu'on est là et on sait qu'il y a une certaine beauté. Nous sommes l'environnement, nous sommes le paysage, nous sommes l'élément, nous sommes le monde. Mettre l'attention sur le son, quelles informations est-ce que on reçoit par le biais sonore. Il y a pas mal de choses qui traversent le lac. Il y a toujours eu des histoires de monstres dans les lacs. Un animal géant comme aucun être humain n'a jamais vu. C'est pas mal de vue d'ici, ça fait un peu octopus, quoi. Donc, pourquoi on parle d'un monstre du Léman ? Parce que en 1458, les archives nous disent qu'un boucheron d'ivoire aurait aperçu un monstre semblable à un immense serpent. Le serpent du Léman, le monstre aux yeux de feu. Est-ce que sur son cheminement, un serpent étrange se met dans le sillage du bateau. Les mythes lacustres se sont beaucoup nourris aussi du mythe du serpent de mer, qui est beaucoup plus ancien. Le serpent de mer, c'est pendant des centaines d'années, des marins ont appelé serpent de mer tout animal allongé, de très grande taille, la plupart du temps visiblement vertébré, qu'ils ne reconnaissaient pas. Et en plus, ils ondulaient comme ça. Du coup, on avait vraiment une oscillation. Un monstre qui faisait 12 mètres de long, qui avait des grands yeux noirs globuleux, qui avait des grandes antennes, et puis qui voilà, était dans l'eau. Et donc il y a eu des histoires comme ça qui ont circulé. la présence de ces êtres tellement grands qui peuvent attraper des chiens, attraper des petits-enfants, traîner des pêcheurs au fond du lac. Où des gens auraient vu une sorte de dinosaure dans un lac. La question, peut-être, n'est pas de savoir si nous avons vraiment un espèce de dinosaure qui vit dans le lac, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Est-ce qu'un enfant à l'arrière du bateau voit le serpent et dit aux adultes « Il y a un serpent, il y a un serpent !» Est-ce que les adultes disent « Mais non, ce ne sont que des histoires. » Ça voudrait dire que la curiosité est plus forte que la croyance. Il faut qu'on réapprenne à rêver. Parfois, c'est intéressant de se dire qu'on a accepté certaines choses en passant à côté d'autres. Donc, comment est-ce qu'on regarde ce qui nous entoure différemment? Dans le sens que, effectivement, nous sommes dans un monde dans lequel on a tendance à réifier, à rendre chose le vivant qui nous entoure. Quand on manie l'imaginaire, et on manie quelque chose qui est extrêmement puissant, mais qui touche des cordes tellement profondes que nous réagissons d'une manière totalement viscérale. Outre le fait de reconnaître une entité vivante autour de nous. En fait, j'écouvrais plein de choses en ne me rendant pas compte que la moitié de ce que je voyais partait autre part que dans mon imaginaire. Ouvrir la porte de l'imaginaire, c'est sans doute enrichir notre monde, lui donner épaisseur, profondeur, ombre, matière. Nous sommes toujours pris dans les filets de l'imaginaire. Maintenant que tout le monde est bien éveillé en termes de perception, et les sens sont réveillés. Thank you. on va à la recherche de quelque chose qui nous appelle. En me faisant inspirer. Et ses profondeurs. L'alliance de l'organique et du minéral. Tout ça se mélange à toi. Tu te mélanges à elle. Le lac est ton élément, tu l'as toujours connu, il est ton monde. Dans ses eaux, tu jouis d'une vie profondément incarnée. Tu ressens chaque connexion. Chaque courant, chaque pierre, chaque gouttelette d'eau, comme si elles étaient toi. Tu ne fais plus qu'un avec le lac. Maintenant, déplace-toi dans le Léman. Rencontre d'autres êtres lacustres. Découvre des endroits qui te sont encore inconnus. À vous 13, on va doucement, très doucement finir cette petite promenade. On va arrêter de sortir. Thank you. Bonjour et bon matin l'équipage. Vous êtes à bord du Scarven ou du Scarmite. Le nom de ce bateau apparemment est encore ouvert au vote et à la réflexion. Bah, on va au-delà du cap, tu vas tout droit là vers la montagne. C'est pas très précis ce que je te dis, mais on voit pas encore bien Nyon. Nyon. Bah, Nyon. Ça bouge vite. Tu vois, c'est de la navigation pépère, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, on est arrivé à Nyon. Très bien. On va manger un peu de poisson chez les pêcheurs du lac. Bienvenue. Alors il y a de la perche, il y a de la ferra, mais ça c'est d'autres filets. Après il y a de l'ombre chevalier, il y a du brochet, il y a ça c'est un peu les espèces convoitées, on peut dire. Puis après il y a d'autres espèces qui sont moins connues mais qui sont aussi très bonnes, mais les gens sont moins friands en général. On va manger tout ça. Oui, allons c'est... manger. Qu'est-ce qu'on mange? Il y a des petits filets de perche à manger à midi. Merci beaucoup de nous accueillir. Waouh, incroyable. Merci, Lucas. Tu peux rester à la maison, on attend. Bien sûr, je te représente. On attend, voilà. C'est fait dans le cas. Pas tradition le filet de perche, quoi. Bon, le plus grand travail du pêcheur consiste à partager le poisson et c'est là qu'il passe la plus grande partie de son temps devant sa planche pour fendre le poisson en deux, comme ça, pour obtenir le célèbre filet de perche. Voilà, le célèbre filet de perche du Léman. Non, mais alors moi j'ai un souvenir en particulier, c'est que il y a quelques années je faisais des cauchemars et je me réveillais en pleine nuit et j'étais comme paralysée dans mon sommeil. Et j'ai une thérapeute à ce moment-là qui m'a dit mais c'est le néant, t'as peur du néant. Et donc la peur de mourir. Et moi ce que j'ai fait pour un peu m'apprivoiser cette peur du néant, c'est que j'allais la nuit au bord du lac, parce qu'en fait le lac c'est une étendue noire. Qui ressemblait pour moi au néant avec ce truc d'infini très bizarre, et du coup j'allais au bord du lac pour essayer de soigner ma peur du néant qui m'arrivait pendant mon sommeil. Bon, au bout d'un moment c'est passé, ouais. Il était une fois une lune qui tôt les soirs se levait vers le Léman. Elle faisait vraiment en sorte que son orbite tourne autour du Léman, parce que tous les soirs, au moment où elle se levait, elle pouvait voir son reflet scintiller sur la surface de ce lac. Les lacs, c'est des miroirs où l'univers peut se regarder. Et puis, voilà, je pensais à ce lac comme un grand miroir. Comme dans beaucoup de lacs alpestres, on imagine que le Léman aille soit une sorte de miroir. Après, ça dépend aussi la poésie qu'on a envie de mettre dedans, parce que c'est vrai que c'est pas un lagon, mais il y a des lumières magnifiques. Ça peut être très beau. Et en fait, ce lac qui est finalement à tout le monde. Oui, fin de la radio, donc c'est comme ça. Mais... radio et magie. Et magie, radio et magie. Réalisation, prise de son, montage, création sonore, texte et post-production par Éric Desjeux. De juillet à octobre 2025. Avec les voix de, par ordre d'apparition, Vanessa Montero, médiatrice culturelle, Jean-Baptiste Molina, anthropologue, Christian Baumann, comédien, Federica Tamarozzi, ethnologue, Dalia Movis, écolière, Mathilde Teinturier, artiste plasticienne, Jonathan Frigeri, directeur artistique, Emmanuelle Nizou, coordinatrice artistique, Antoine Chad, scaphandrier, Marine Lanaro, directrice artistique du collectif Grand Dehors, Henri Deletra, artiste visuel, Benoît Grison, cryptozoologue, Didrik Peters, artiste performeur, Paul Courlet, musicien performeur, Luca Schopfer, pêcheur, Stéphanie Pfister, dessinatrice et éditrice, Eva Zornio, artiste visuel. Une production de l'Institut international de recherche sur la radio et la magie. Hello, this is a show from Radia.